passe dans vos têtes. Vous, peut-être que vous vous en moquez, mais moi je crois que vous êtes barre. J'ai pris le large depuis un bon bout de temps. Déjà, vous êtes trop lent et j'ai fui vos raps maudits. Poli, brillant, fignon, vernis, aussi joli que les ongles de la main d'une fille, je te le dis. Faut que tu arrêtes de faire la pute, de finir couché sur le tapis. Tandis que le producteur te prend avec ardeur. C'est hard à voir, mais c'est rien si t'imaginais l'odeur. T'aurais envie de gerber, le rap se traversit et les MC donnent leur cul tous, aucune pudeur. Les majors profitent, gagnent de l'or, les 12 agneaux crient encore, encore, encore, encore. J'implore leur silence. Je lance le missile, je veux une milice. Tuer les complices de la police, éviter la justice de justesse. La dénoncer, pisser sur leur état et son autorité. Constituer une armée de gars haineux, sans chef, ouverte à qui veut. Il faut faire taire la douleur, se défouler un peu. Tout ce qui représente l'état doit être visé. Préfecture, commissariat, gendarmerie, caserne, mairie. Niquer tous les pourris sans les toucher. Aussi sur la liste des cibles, tu peux te lâcher. Mais aucune personne doit être agressée. Ils attendront un faux pas, alors n'en commets pas. Et la masse nous suivra, crois-moi. En plus, ils s'impatientent. Les gens n'attendent que ça. Mais c'est sûr que si tu bousilles la voiture du pauvre gars qui habite à côté de chez toi, qui vit dans les mêmes conditions que toi, t'auras plus l'air débile que crédible. Je te donne des nouveaux crédits. Vas-y, on refait une partie. On nique tout ce qui est matériel qui appartient à l'État. Le pouvoir est à nous. Pourquoi on le prend pas? Qu'on joue au con au lieu de prendre conscience qu'on peut les baiser avec aisance. Je lance le projet, c'est le premier jet, le premier à jeter la pierre sur l'édifice. Ça jaillit en moi, ça bouillonne, je déconne plus. Je suis en transe, je pense l'appeler le premier jet. Mon jet privé prêt à s'écraser sur le pays. Et puis comment je m'en bats déjà de tous ces ébats, de tous ces débats, de la politique qui nous complique le combat. Ils nous prennent de haut et se masturbent intellectuellement à se foutre de nos gueules. Quoi, qu'est-ce qu'elle a ma? Si tu trouves mes textes choquants, n'oublie jamais que indirectement c'est toi qui l'as écrit en créant mes conditions de vie. Bâtard de politicard, je lâche les insultes gratuites pour exorciser mon démon. Sur cette démo, je te casse la tête, je te mets à mal de cause des mots de tête. Car si c'est le 5-7 qui te fait ta fête, sarco petit facho, attends de voir comme t'auras chaud chez moi. Tu seras pas tranquille, et gros Didier va te faire lipo sucer. Quand ils taperont en sueur, c'est que t'as peur que tu sens ton heure venir. Respire pas, crève les pneus de sa voiture. Il nique la censure pour un rap pur et dur. Celui qui résonne sur les murs comme ce son qui assure, qui enfile ton as, trop sûr. Par surprise, te voilà sous mon emprise. Je vois plus qu'une solution, gueuler à la face du monde. Même si je serais pas entendu, au moins vous m'aurez vu, même quelques secondes. Je serre le poing, je le lève bien haut. Mon majeur se détend et c'est parti pour la partie. Ce sera fuck pour les mairies, fuck pour les partis pris, fuck pour les politiques, pour nos rêves, nos sales conditions de vie. Ce sera fuck aussi contre la répression comme solution, fuck pour Sarko et Gros Didier, fuck, fuck, fuck. I fuck everybody for free and I'm happy. Let me crazy my mind liberate the monster who is in me. And let me see you, how I feel when I'm healed. When the table is for me, it just say thank you man. And fuck God, if you bless America, I fuck you too. Cause you're not the man in way, believe you let those is fuck you again. Just let me sing my pain. On me croit pas capable d'exploser l'instrumental. Menteur, sans le mental de ma lame, ça va faire mal. Banal trip pour mon esprit, pour ton mental, tant pis. Les condamnés croient coupables, je culpabilise pas. Mais bon, je me calme, j'ironise mon sort. La vie est plus hardcore pour ces jeunes qui scament. Crime se fracasse le crâne, pour que dalle. Trop jeune, trop tôt dehors, hormis le froid et la solitude. Y'a rien. Tard le soir dans les rues, on n'a rien à y faire. Alors on se laisse aller et on désespère. On a peur de rien, même pas de la mort. Car on a des envies suicidaires. On veut niquer du porc et ça devient de plus en plus hardcore. Dans nos ruelles, on sent plus les belles donzelles qui courbent les chines. On veut juste essayer de faire n'importe quoi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Parce que là j'en ai marre. Moi je pars en vrille, je comprends plus rien. J'ai beaucoup plus d'envie, plus d'envie de mort que de rêve. Aujourd'hui y'a pas de trêve, le monde me fait la grève. Et la vie me pousse à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me, à me,